poils de carotte, la mie de pain. Monsieur Lupix, il est d'humeur gaie, ne dédaigne pas d'amuser lui-même ses enfants. Il leur raconte des histoires dans les allées du jardin et il arrive que grand frère Phénix et poils de carotte se roulent par terre tant ils rient. Ce matin, ils n'en peuvent plus. Mais sœur Ernestine vient leur dire que le déjeuner est servi et les voilà calmés. À chaque réunion de famille, les visages se renfrognent. On déjeune comme d'habitude, vite et sans souffler. « Veux-tu me donner une mie de pain, s'il te plaît, pour finir ma compote ?» À qui s'adresse-t-elle? Le plus souvent, Madame Lepic se sert seule, et elle ne parle qu'aux chiens. Elle le renseigne sur le prix des légumes, et lui explique la difficulté, par le temps qui court, de nourrir avec peu d'argent 6 personnes et une bête. « Non !» dit-elle à Pyram, qui grogne d'amitié et bat le paillasson de sa queue. « Tu ne sais pas le mal que j'ai à tenir cette maison. Tu te figures comme les hommes, qu'une cuisinière a tout pour en rien. Sois-tu bien égal que le beurre augmente et que les œufs soient inabordables ?» Or cette fois, Madame Lepic fait événement. Par exception, elle s'adresse à Monsieur Lepic d'une manière directe. C'est à lui, bien à lui, qu'elle demande une mie de pain pour finir sa compote. Nul ne peut en douter. D'abord, elle le regarde. Ensuite, Monsieur Lepic a le pain près de lui. Étonné, il hésite. Puis, du bout des doigts, il prend au creux de son assiette une mie de pain et, sérieux, noir, il la jette à Madame Lepic. Farce ou drame, qui le sait? Sœur Ernestine, humiliée pour sa mère, a vaguement le trac. Papa est dans un de ses bons jours, se dit grand frère Félix qui galope, effréné sur les bâtons de sa chaise. Quant à poils de carotte, hermétique, des bousillots aux lèvres, l'oreille pleine de rumeurs et les joues gonflées de pommes cuites, il se contient. Mais il va péter si Madame Lepic ne quitte un instant la table, parce qu'on est de ses fils et de sa fille, on la traite comme la dernière des dernières.